Comme nous sommes en pleine semaine internationale de l'environnement, semaine de réflexion qui nous invite à trouver des moyens d'éliminer toute forme de pollution de notre environnement, j'ai pensé qu'il serait souhaitable et de bon goût de vous parler de la fin du monde et des environs. S'il est vrai que notre environnement est tellement pollué qu'il a atteint un point de non-retour, pourquoi ne pas tout simplement supprimer l'environnement? Plus d'environnement, plus de pollution. Comme toujours, il s'agit de s'attaquer aux causes et non pas aux effets. D'ailleurs, Saint Jean lui-même, dans son Apocalypse, nous propose un modèle efficace d'assainissement de l'environnement, qui consiste tout simplement à supprimer le monde, ce monde qui s'en va chez le diable. Évidemment, il s'agit là d'un défi de taille, d'un projet ambitieux. Mais si l'on en croit d'autres prophètes, comme Nostradamus par exemple, c'est un défi que l'homme du XXe siècle pourrait très bien relever. C'est à notre portée, et qui veut la fin prend les moyens. Donc si tous les gouvernements du monde se donnaient la main, eh bien, on pourrait peut-être assister un jour à une espèce de Benson & Hedge international et cosmique, une espèce de feu d'artifice qui viendrait couronner le parti, l'apothéose des feux d'artifice, payé à même nos taxes, avec, comme commandite, les témoins de Jéhovah, par exemple. Je vois déjà d'ici la manchette des journaux. Attention, la fin du monde aura lieu comme prévu, dimanche soir, jour du Seigneur, à 23h précise, une heure plus tard dans les maritimes. Ne manquez pas le spectacle, il n'y aura pas de reprise. En tout cas, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Mais tout compte fait, la fin du monde n'est-elle pas la fin d'un monde, de ce vieux monde qui est sur le point d'accoucher d'un monde nouveau? Et pour nous en parler ici et ce soir, qui pourrait mieux que Bernard de Montréal nous parler de renaissance? Monsieur Bernard de Montréal. Vous arrivez encore d'un de ces pays où la main de l'homme n'a jamais mis les pieds. Bernard de Montréal, on s'inquiète de savoir quand est-ce que votre livre va sortir. On s'inquiète de ça depuis à peu près 3 ans. Ça sent bien. Il semblerait que on attende aujourd'hui dans le monde. Je viens de lire un livre très récemment encore d'exégètes des prophéties de Nostradamus qui attendent qu'il y ait une personne, curieusement en Amérique du Nord, qui donne une version décryptée, décodée des prophéties de Nostradamus. C'est assez curieux de la part des Français puisqu'ils sont supposés être les exégètes des prophéties des centuries de Nostradamus et ils pensent eux autres que un jour, tout ceci sera révélé en clair et ça viendra de la part de quelqu'un qui vit en Amérique du Nord. Alors, je ne sais pas si vous êtes candidat. Vous pourriez peut-être ajouter quelques chapitres avant que votre livre ne soit terminé sur le décodage des prophéties de Nostradamus. Parce qu'il semble que Nostradamus, au passage, dans ses centuries, vous rende hommage, au passage, et vous situe de la façon suivante, dans la centurie 5 au 431, il dit « Par terre arctique, chef de la sapience qui présentement est la rose du monde. »